du droit de vie et de mort. Le traité social a pour fin la conservation des contractants. Qui veut la fin veut aussi les moyens, et ces moyens sont inséparables de quelques risques, même de quelques pertes. Qui veut conserver sa vie aux dépens des autres doit la donner aussi pour eux quand il faut. La peine de mort, infligée au criminel, peut être envisagée à peu près sous le même point de vue. C'est pour n'être pas la victime d'un assassin que l'on consent à mourir si on le devient. Dans ce traité, loin de disposer de sa propre vie, on ne songe qu'à la garantir. Il n'est pas à présumer qu'aucun des contractants prémédite alors de se faire pendre. D'ailleurs, tout malfaiteur, attaquant le droit social, devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie. Il cesse d'en être membre en violant ses lois, et même il fait la guerre. Alors, la conservation de l'État est incompatible avec la sienne. Il faut que l'un des deux périsse. Et quand on fait mourir le coupable, c'est moins comme citoyen que comme ennemi. Les procédures, le jugement, sont les preuves, et la déclaration qu'il a rompu le traité social, et par conséquent qu'il n'est plus membre de l'État. Au reste, la fréquence des supplices est toujours un signe de faiblesse ou de paresse dans le gouvernement. Il n'y a point de méchant qu'on ne puisse rendre bon à quelque chose. On a droit de faire mourir, même pour exemple, que celui qu'on ne peut conserver sans danger. Dans un État bien gouverné, il y a peu de punitions. Non, parce qu'on fait beaucoup de grâce, mais parce qu'il y a peu de criminels. La multitude des crimes en assure l'impunité lorsque l'État dépérit.